Ceci est un audio généré issu de l'article « Les vrais secrets sur l'origine des Sémites, migration, métissage, croyances perdues » disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Les vrais secrets sur l'origine des Sémites, migration, métissage, croyances perdues. Qui n'a jamais entendu des tonnes de versions officielles sur l'histoire des Sémites ? Pourtant, si tu grattes un peu sous la surface, tu te rends vite compte que les grands livres d'histoire oublient souvent l'essentiel. On se penche aujourd'hui sur la véritable origine des peuples sémites, et tu vas voir, ça commence loin de tous les dogmes d'aujourd'hui. Au tout début, avant la Bible, le Coran ou la Torah, ça bougeait sec du côté de la Corne de l'Afrique. Là-bas, des groupes humains à la peau foncée ont commencé à migrer, à rencontrer d'autres peuples, et à mélanger leurs cultures et leurs gènes. Plusieurs chercheurs, comme Jean-Pierre Dutoit, évoque l'importance de cette africanité sémitique dans nos sociétés modernes. Mais tout a changé quand les premiers chefs ont compris un truc, quoi de plus simple pour contrôler un peuple que d'unifier ses vieux dieux sous une même bannière ? Comme le dit Guy Strumsa, la religion unique n'est jamais née d'un seul coup, elle s'est imposée parce que le pouvoir en avait besoin. Dans cet article, on va secouer les idées reçues, relier les indices, montrer comment les anciens symboles africains, méconnus ou même effacés, planent encore dans les grandes religions modernes, et pourquoi rien n'est jamais dû au hasard. Prêt pour voir ce qui se cache derrière l'histoire officielle ? 1. À l'aube des peuples sémites, une vraie origine africaine ? On croit souvent que l'histoire des sémites a débuté dans les dunes du Moyen-Orient. Erreur. Pour commencer, si tu plonges dans les travaux de linguistes comme Jean Servier, tu découvres vite que c'est du côté de l'Afrique que l'aventure démarre vraiment. Les premiers peuples sémitiques n'étaient pas des étrangers venus d'ailleurs, ils sont le fruit d'une grande famille afro-asiatique en plein métissage. Voilà qui bouscule les idées préconçues. En réalité, ces ancêtres à la peau foncée ont traversé la Corne de l'Afrique sans GPS ni carte, juste guidés par la soif de vie et les cycles naturels. Les généticiens, notamment David Coma et son équipe, montrent que le métissage était la règle, pas l'exception. Difficile d'imaginer la diversité de ces tribus nomades, certains venaient d'Éthiopie, d'autres du sud de la péninsule arabique, tous mélangeaient langues, rites et ADN. Et ce n'est pas juste une question d'origine géographique. Les traces archéologiques, comme le raconte François-Xavier Fauvel, montrent bien que le métissage culturel a donné naissance à des croyances, des pratiques et des symboles qui vont irriguer toute la Méditerranée. Alors, la prochaine fois qu'on te parle d'une « pureté », ces mythes totalement mythiques ou de frontières figées, rappelle-toi, l'aventure humaine ne tient jamais en place, elle se nourrit de mélanges et c'est même ça qui crée la richesse des vrais peuples sémites. Et tu vas voir, ce n'est que le début de l'histoire. 2. Aux origines, croyances sémites et début de la transformation. Quand tu parles des anciens sémites, oublie direct l'image du rabbin ou de l'imam sur fond de manuscrit E ici, c'est la fête aux dieux multiples. Avant que le monothéisme pointe le bout de son nez, ces peuples vivaient plongés dans un univers rempli d'esprits, de divinités qui géraient tout, la pluie, la fertilité, la guerre, les galères du quotidien. C'est simple, chaque coin abritait son esprit ou sa déesse. Selon l'analyse de Jean-Paul Willem, avant Abraham, on priait surtout pour obtenir la pluie, la paix ou la protection des ancêtres. Dans les cités mésopotamiennes, le grand Manitou c'était Marduk, tandis qu'en Syrie ancienne, on vénérait Baal ou Ishtar. Même chose en Arabie, où chaque tribu montait la garde autour d'une pierre sacrée, d'un temple ou d'une idole locale. D'ailleurs, l'anthropologue Marek Alter rappelle que la frontière entre magie, culte familial et religion publique n'existait même pas encore. Le choc arrive quand les chefs de clan comprennent que ce joyeux bazar spirituel offre un sacré levier, regrouper les croyances, centraliser les rituels, ça sert à garder le contrôle. Tout doucement, un dieu unique prend de l'importance. Comme le détaille Jacques Schenner, la transition vers le monothéisme répond d'abord à un besoin d'ordre social, et non d'abord à une révélation soudaine. Tu sens qu'on te raconte une mutation qui n'a rien d'anodin ? Tout s'orchestre en coulisses, des autels sont rasés, des vieux rituels changent de camp, et ce qui flairait bon le mystère devient interdit, ou pire, oublié. Prêt à suivre comment ce grand bouleversement va encore tout secouer au chapitre d'après ? 3. Religion, pouvoir et stratégie, l'envers du décor. Et là, accroche-toi, parce que ça ne rigole plus. Une fois le monothéisme en place, on assiste à de vraies manœuvres dignes des plus grands scénarios de complot. Que tu sois chef de cité, prêtre ou futur roi, unifier un peuple derrière une foi, c'est avoir une arme massive, celle qui façonne l'histoire et assied le pouvoir. L'historien Guy Strumsa l'explique avec ponche, la centralisation religieuse répond avant tout à des enjeux politiques et sociaux. Alors comment ça se passe? Facile, les anciens cultes sont écartés, parfois détruits, et le nouveau dieu devient la clé de voûte du vivre ensemble, ou de l'obéissance. Des temples rasés à Babylone, des idoles cachées en Arabie. Comme le souligne Jean Hassmann, l'instauration du monothéisme relève d'une stratégie consciente, orchestrée et souvent brutale. Mais ce n'est pas juste une question de grand nettoyage. Les nouveaux maîtres du jeu se servent aussi d'un incroyable recyclage, anciens symboles, fêtes païennes ou rituels de saison deviennent soudain canon dans la nouvelle religion. Tu trouves, par exemple, des pierres noires, des fêtes de printemps ou des signes du zodiaque recyclés dans le judaïsme, le christianisme, voire l'islam. Si tu creuses, l'archéologue François Desroches montre à quel point ces récupérations sont systématiques, voire assumées. Moralité, derrière chaque grand récit religieux, compte sur des histoires humaines faites de manipulation, de calcul et, surtout, d'une sacrée dose de stratégie. Et si on regardait derrière le rideau ce qui a vraiment permis à ces symboles de traverser les siècles? 4. Complots, bénéfices cachés et jeux d'influence, qui tirent les ficelles? Alors, qui sort vraiment gagnant de cette transformation spirituelle? Ce n'est clairement pas le petit peuple qui décide du jour au lendemain de suivre un seul dieu ou non, ce sont d'abord les élites, ceux qui tiennent les rênes. Comme le pointe Ernest Renan, l'unification religieuse a toujours servi les intérêts des puissants avant ceux des croyants. Derrière l'apparence d'un grand message universel, c'est donc souvent une tactique taillée pour préserver l'ordre, encadrer les masses, éviter la révolte ou et même surveiller les consciences. D'ailleurs, Guy Strumsa soulève, non sans malice, la foi sert rarement l'individu seul, elle organise surtout la communauté, mais aussi la hiérarchie. Au final, tout ce détour religieux se transforme en un immense levier, contrôler le temps, avec le calendrier religieux, l'estas, les lieux saints, et surtout, l'imaginaire collectif. Ceux qui récupèrent ces anciennes croyances savent très bien ce qu'ils font. Chaque symbole réutilisé, chaque fête recyclée, c'est un point de plus pour consolider le pouvoir sans en avoir l'air. On appelle ça un complot subtil, parfois même parfaitement accepté. Alors, qui contrôle vraiment l'histoire et notre vision du passé? Peut-être qu'au fond, la plus grande manipulation, c'est de nous faire croire qu'il n'y en a jamais eu. S'émanciper des récits tout tracés. Voilà, tu viens d'explorer un PAN caché de l'histoire des Sémites, une fresque qui part de l'Afrique, s'enrichit de 1000 métissages, as des croyances anciennes aux grandes révolutions religieuses où elle révèle que bien souvent, tout changement profond profite d'abord aux puissants. Comme le glisse Ernest Renan, l'histoire n'est jamais neutre, elle dépend de ceux qui la racontent et de leurs intérêts. En gardant à l'esprit cet art de suspense et de manipulation, tu mesures mieux pourquoi tant d'étapes clés migration, symboles anciens, émergence du monothéisme résonnent encore dans notre monde d'aujourd'hui. Et si l'on veut vraiment comprendre ces énigmes du passé, il faut oser aller au-delà des versions toutes faites, recouper les sources, s'interroger sur les retournements de situation. Au final, rien n'est tout blanc ni tout noir, l'origine des Sémites c'est avant tout une grande aventure humaine, et c'est à chacun de soulever, sans peur, le voile sur l'histoire officielle. Fac, question brûlante sur l'origine des Sémites et leurs croyances. Les Sémites étaient-ils vraiment, noirs, à l'origine? Quand tu ouvres les dossiers des anthropologues comme Jean-François Salomon, il ressort surtout que la première, teinte, était brune à foncer, reflet du grand rassage en Afrique de l'Est. La palette humaine, c'est rarement aussi simple que sur une case à cocher. Y a-t-il eu un seul événement qui a tout fait basculer vers le monothéisme? Ah vraiment, et c'est ce que confirme Simon Lobby dans ses recherches, le passage au monothéisme s'étale sur plusieurs générations, il s'agit plus d'une série de négociations, souvent musclées, entre différents chefs et croyances, que d'une soudaine révélation. Pourquoi autant de vieux symboles païens se retrouvent dans les religions modernes? Ça, c'est un vieux secret bien gardé, avoue l'historien Jacques Brien, on recycle pour faciliter la conversion, rassurer les fidèles et surtout garder la main sur les anciens repères collectifs. Peut-on vraiment parler de complot organisé, ou juste d'opportunisme du pouvoir? La frontière est mince. Plusieurs analystes, comme Bruno Etienne, t'expliqueront que même sans plan machiavélique écrit à l'avance, le pouvoir a toujours su profiter des grands basculements spirituels pour renforcer son emprise.